cigarette de chocolat. La basse. Tu joues pas ? J'aime bien cette batterie là. C'est quoi cette batterie ? Ah.